rate la vie, quel mauvais ami. Un beau jour, elle te quitte et te dit « Nous sommes quittes » et plus d'elle au radeau pour voir l'Eldorado. Plus de désir en rade, adieu la désirade. Quelle ingrate la vie, quel mauvais ami. Tu quittes l'existence au milieu de la danse. Tout seul, tu te perds où? Ce n'est pas le Pérou, mais ce sont des Florence, loin, très loin de Florence. Quelle ingrate la vie, elle quitte, elle oublie tous ceux qui l'ont aimée, sans même les remercier. Tu rêvais de cité, te v'là 6 pieds sous terre, loin des flots qui se rident, adieu belle Floride. Quelle ingrate la vie, quel mauvais ami. Un beau jour, elle te quitte et te dit « Nous sommes quittes ». Mais quelle amie la mort, elle te prend à son bord et te conduit alors vers les îles au trésor. Quelle amie la mort, elle te prend à son bord et te conduit alors vers les îles au trésor. Mais quelle amie la mort, elle te prend à son bord et te conduit alors vers les îles au trésor.